Chapitre 7. Eh bien, mes enfants, dit Régalard en entrant chez les Picots, comment va la santé? Mal? Vous êtes joliment bon de vous faire du chagrin. Mon cher, je viens vous voir à cause de Jean. Écoutez, en deux mots, vous faites une bêtise en refusant de faire ce qu'il veut. Picot se récria, mais Régalard le prit par le bras. Vous savez que je l'aime beaucoup, l'héritier, je ne lui veux que du bien. Il est venu hier au Billot et m'a tout raconté. Voyant que vous ne lui répondiez pas, l'inquiétude l'a pris, avec la peur de vous avoir fâché. Je suivrai ses projets. Il a 100 fois raison. Il est resté à la maison aujourd'hui, mais il viendra vous voir demain. Il peut bien rester où il est. La mère l'a déjà perdu avec ses toquades de grandeur. Vous le gâtez trop. Picot était respectueux avec le rentier et n'osait lui dire ce qu'il pensait de son intervention dans cette affaire. Eh bien, reprit Régalard, je trouve moi qu'il n'est pas fait pour travailler comme nous toute sa vie. Il faut qu'il soit plus heureux que ses parents. On lui a donné de l'instruction, il veut en profiter, et il a bien raison. Mais Picot revenait à la charge, déclarant que Jean serait médecin, ou bien qu'il reviendrait chez lui pour vendre de la porcelaine. Sa femme ne disait rien. Mon parti est pris, conclut l'oncle, je paierai la moitié de ce qu'il lui faut, et il ira à Paris. À Paris ? Cria Madame Picot, à Paris ? Elle n'avait pas songé à cela. Non seulement il brisait sa carrière, son Jean, mais encore voulait aller loin d'eux, dans cette ville où il ne connaissait personne et qu'elle avait en horreur. « Ah oui, à Paris, disait l'oncle. Ah ça, croyez-vous qu'il n'y ait en France que Caen et Saint-Pierre-sur-Dive ? Vous me faites rire tous deux, ma parole. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un peintre. Des crèves-la-faim, répondit Picot. Mais non, pas des crèves-la-faim. » Et tirant de sa poche un journal, l'oncle montra à Picot ébahi le compte rendu d'une vente de tableaux, où les prix de chaque toile variaient de 10 à 20 000 francs. Jean lui avait communiqué cette pièce qui plaidait fort en faveur de ses idées. L'oncle devenait plus pressant. « Jean ira à Paris, et dans 2 ans, 3 ans, il exposera au salon. Une médaille, la croix. Jean m'a expliqué tout ça. Et puis d'ailleurs, ça sera moins long que la médecine. Il a encore 3 ans à faire à Caen, en admettant même qu'il ne rate pas ses examens. De plus, il ne pourra pas s'établir avant ses 25 ans. En 3 ans d'études à Paris, il deviendra un peintre gagnant plus d'argent en 1 an qu'un malheureux médecin n'en gagne en 10 à Saint-Pierre-sur-Dive. Il me l'a prouvé, clair comme le jour. Allons, laissez-vous faire. D'ailleurs, c'est sa volonté bien décidée. Il est dégoûté de la médecine. Il trouve que c'est du charlatanisme. Ah, il m'en a raconté de belles là-dessus. Voyons, vous décidez-vous ? Le père Picot ne répondait rien, craignant de froisser l'oncle, qui paraissait tenir à gagner la partie. Qui ne dit mot consent ? Allons, Jean viendra demain vous voir et partira après-demain pour Paris. Le lendemain, Jean, après un dîner d'adieu auquel assistait le père Régalard, attendait à la gare le train qui devait l'emmener. Son père, sa mère et son oncle lui firent quelques recommandations. « Tu tiens à t'en aller ?» dit Picot. « C'est bien décidé. Tu crois que tu ne ferais pas mieux de rester à la maison et de prendre ma place ?»« Nous allons être bien seuls maintenant que tu t'en vas, » reprit la mère. « Il ne faut pas contrarier une vocation, » fit l'oncle sentencieux. « Je t'ai aidé dans tes projets, mais je suis sûr de toi. Va, l'héritier, et porte-toi bien. » À l'appel d'un employé, Jean s'arracha aux embrassements de sa mère et monta dans un wagon de 3e, où il se trouva seul. Il était étonné de ne pas se sentir plus heureux, à ce moment où il réalisait un rêve longtemps caressé. La liberté, il l'avait, complète. Ses parents avaient presque consenti à son départ. Il croyait qu'il rencontrerait plus de difficultés, et son cœur n'éclatait pas de joie. En est-il ainsi de tous les projets réalisés, se dit-il ? Et une larme lui vint aux yeux, vite refoulée.